Bon, j'espère que cette fois il n'y aura pas de soucis techniques. Hein. Nous sommes en direct de la foire de Saint-Romain. Ah merde, mon téléphone. Allô, allô, allô, allô, est-ce qu'on m'entend? Allô? Test micro, 1, 2, 1, 2. On peut y aller. Bon, en ce moment, vous avez tout branché, les câbles, tout, les micros, on peut y aller. Ok, on y va. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Quoi qui se passe. Alors aujourd'hui, on va revenir sur l'after du TGS Spring Break. Et j'ai encore une nouvelle fois avec moi Asto et Gandalf 81. Oh, toujours les mêmes. On se croirait dans une mafia maintenant. Presque, c'est presque ça. Alors du coup, donc le TGS Spring Break, donc c'est la petite édition du TGS donc qui a eu lieu les 4 et 5 avril. Mm-hmm. C'est ça, je me trompe pas encore. On va vérifier, mais oh, je pense pas, non. Oui, c'est 4 ça. 5, c'est ça. Donc, c'est pas... donc du coup, on va attaquer dans le vif du sujet. Vous avez pensé quoi de cette édition? Oh ben à moi, tout l'honneur, Gandalf. Allez, oh ben moi je me suis bien régalé. Oh, quand même pas, c'était pas bizarre, oh, c'était pas mal, franchement. Il y a une certaine progression par rapport à l'année dernière, même s'il y a eu des désistements de dernière minute et que ça faisait un peu vide, mais bon. Globalement, ça allait. Quoi. Bon, je trouve que ça, franchement, non, ça va. À voir l'année prochaine, mais je pense qu'ils ont peut-être tenu les objectifs. Donc ça m'a l'air je... Bah, je sais pas, ils ont pas encore annoncé Mais c'est vrai que les noms de visiteurs on les a pas facilement. Ouais, ils ont pas fait d'annonce sur la rentabilité du salon ou enfin de ce qui se passait en tout cas cette année. Bah c'est vrai que là c'est la petite convention, donc du coup c'est comme pour l'année dernière, je trouve. Bah il y a pas grand chose à faire, mais en même temps c'est normal. Oui, je me souviens plus vraiment de l'année dernière. Oh, ça avait été pareil. Il y avait eu Sylvester McCoy, donc déjà, ouais il y avait dernière. Eu je crois que c'est Warwick Davis, je pense. Et Warwick oui, Davis, ouais. Il n'y a pas eu celui qui fait Stargate aussi là? Non, c'est pas celui-là. Donc, qui fait les chaupons 55 enclenchés. Non, c'était cette fois-là. Non, c'était encore la fois d'avant. Ouais. C'était il y a deux ans déjà. Peut-être. Moi, il me semble. Oui. Je sais plus. Passe vite. Mais ouais, bah après c'était un TGS de printemps, quoi, Spring Break ou un ami. C'est jamais qu'un petit TGS. C'est pas fini, quoi. Patienter les 6 mois. Avant le prochain TGS. C'est toujours long, c'est beau. C'est toujours long. Hein. Bah, ça fait toujours plaisir de retrouver l'ambiance qu'on aime pour le TGS. au sein de Diagora. Ouais. Voilà, c'est vrai que c'est toujours agréable de se retrouver à Diagora. C'est sûr, rien que ça. Ouais. Même si après, en termes d'invités ou d'activités, bon, on peut pas dire qu'il y avait rien, mais. C'est pas business. Ouais, enfin, il y avait rien qui nous intéressait plus que ça. C'est vraiment personnel, quoi. Oui, après, ouais, parce c'est. Parce qu'il y avait ça, quand même. C'est quand même toi, c'est. Voilà, c'est quand même dur. Alors que quoi. Pourtant, il y avait des trucs à faire, parce que là, j'ai toujours le programme sous les yeux. Donc, hormis la cérémonie d'ouverture, les épisodes de One Piece et de Dragon Ball, bah après, il y avait quand même du rencontre avec un mangaka. Mm-hmm. Greg Nicotero, deux fois. Il y avait des conférences, ça, une masterclass quoi. Greg Nicotero. La masterclass de Greg Nicotero, quoi. Ça, c'est, enfin, je ne regarde pas chez pareil, Money, je regarde pas Walking Dead, donc je connais pas bien les trucs, mais a priori la masterclass de Greg Nicotero où il faisait des maquillages en live sur scène et tout, ouais. Ça avait l'air d'être sacrément sympa quoi comme truc. Après c'est sûr, ouais. Et en plus, cette année, ce qu'ils ont mis au point, alors je ne me rappelle pas s'ils l'ont fait aussi pour l'année dernière, c'est que les conférences de l'amphithéâtre étaient retransmises en direct aussi. Ah ouais, ça c'était une première, ouais. Ouais, c'était retransmis en live sur... Ça va être sur YouTube. Sur YouTube, ouais, je crois que c'était un lien YouTube, ouais. Alors pas tout. Chèvre. Ouais. Ouais. Pas les projections. Oui, puis après, il y a des problèmes de droit, mais au moins tout ce qui était conférence ou ce genre de choses. Voilà, conférence, table ronde, ce genre de choses, c'était retransmis en live. Ouais. C'est une initiative plutôt sympa au final. Ouais, j'ai l'impression que ça surfe un peu sur les Geek Fairies. Ça fait un petit côté Geek Fairies. Ouais. C'est il y a 2 ans déjà, où du coup ils ont dû annuler leur convention IRL et puis ils ont monté un On the Web. Où ils faisaient des conférences comme ça en live et du coup tout le monde y avait accès. Donc ça rajoute ce petit côté là où c'est accessible pour tout le monde, même si même pour ceux qui ne sont pas pu venir, quoi. C'est ça, ouais. Après, de notre côté, on se dit nous aussi que on a payé notre billet. Alors on voit pas bien pourquoi les gens qui n'ont pas payé de billet ou quoi, ils auraient accès au contenu de la convention. Mais après voilà, c'est sûr que nous, on a tout ce qui est à côté, l'ambiance, le cadre. On n'a pas de restrictions sur ce qui est projeté ou pas. Oui, après c'est sûr, là, c'était une projection ou pas sur dans sa globalité, c'était vraiment juste l'amphithéâtre. Et après quelques trucs où il n'y avait pas de droit de diffusion dessus. Donc, voilà, One Piece, tout ça. Ouais. Après, ça permet aussi d'avoir les replays des conférences. Par exemple, une conférence qu'on n'a pas pu voir ou quoi, je pense à la conférence de Noob qu'on n'a pas vue. Ouais. Et peut-être que j'aurai la voir si elle est disponible en replay. Il me semble qu'elle est déjà disponible en replay. Ouais, je crois que j'ai vu passer le lien. Ils ont fait vite, ouais. Ouais. Ouais, ils ont été super actifs. Je crois que pour l'instant, c'est TGS TV, je crois qu'ils s'en occupent en plus sur Facebook. Ouais. C'est ça, mais du coup, il y a quand même, je crois, du coup, sur leur chaîne TGS TV, là, par rapport au Spring Break, il y a 3 ou 4 vidéos déjà de mise. Ouais. Michael Chang, c'est l'interpréteur de Dan Jackson, c'est bon. Donc. Ouais. La conférence Noob, et après la masterclass maquillage Greg Nicotero. Ouais. Peut-être qu'ils vont uploader d'autres trucs, genre la conférence web-série, même s'ils mettront pas peut-être le contenu visuel, je sais plus ce qu'il y avait. Au final, sur la conférence web-série, il y avait vraiment... Ah oui, c'était juste un débat entre guillemets. Ouais, c'était à part, oui, les épisodes de Space, c'était pas la même chose. C'était après, c'était pour Davy directement. Ouais, c'était que Space, quoi. Ouais, du coup, ça reste une bonne initiative, je pense, quand même. Vraiment. Mm. Plutôt que d'avoir des enregistrements de gens faits dans la salle avec des caméras dégueulasses ou quoi. Si ça peut être fait de façon un peu plus pro... Franchement, pourquoi pas. Après, si ça marche bien, pourquoi pas étendre le concept sur la salle Ellipse. Oui. Ouais. Où il y avait les autres conférences. Oui, ouais. L'autre salle de conférence au final. Ouais. Je sais pas si c'était fait ou pas, je crois pas. Je crois que c'était que sur l'amphithéâtre. Sur l'amphithéâtre. Pourquoi pas étendre après la prochaine édition. Je pense que c'est des idées qu'ils ont déjà eues. Oui, mais après, c'est comme... Donc ce que disait Sébastien lors de la conférence organisateur, c'est que en fait leur TGS Spring Break sert vraiment de labo, ils testent des trucs. Ouais, c'est totalement ils ça. Ont remis le pré-badgeage à l'entrée. Ou du coup super bonne idée. Là même là on est arrivé nous il était 9h à peu près. Ouais, c'est ça. À 9h en plus on est rentré à 9h15. Donc 9h15, 9h20 et on était dedans quoi. L'ouverture était prévue à 9h30. Ouais. Ils ont ouvert 10-15 minutes plus tôt et le pré-badgeage, t'arrives sur place, boum, t'as déjà ton bracelet, tu fais déjà. Il y avait juste le plan Vigipirate où tu devais ouvrir ton sac. Ouais, ça filtrait juste à l'entrée pour vérifier qu'il n'y ait pas des trucs dans les sacs et tout. Ouais. Et sinon, nickel l'entrée. Mais du coup, vu que t'as commencé à à parler de la conférence des web-séries. Du coup, je vais vous faire écouter un petit extrait qu'on a enregistré là-bas. Allô, allô. Oui, c'est bon, vous entendez ? Ouais. Super. Bonjour, bienvenue, vous êtes beaucoup. J'ai fait mal, j'ai fait, la salle, elle est comme mes cheveux clairsemés. Voilà, alors, merci de ne pas tous être allés à l'église. Nous recevons, alors ce matin, c'est un débat des web-séries sur les décors, maquillage et accessoires. Alors, c'est pas un débat d'ailleurs, on va parler. Parce que sinon, on peut... Oui, moi je fais des décors, ah, moi je préfère les maquillages, ça veut rien dire. Alors, on va recevoir pour parler de tout ça, des décors, maquillage et accessoires. Tout d'abord, la série Zikos avec Benoît, Seb et Antoine. Messieurs, ça va? Vous êtes les gagnants des prix web série de l'année dernière, de TGS. Vous êtes contents? Ravi, ravi. Ça nous apporte de la visibilité et le fait d'être là encore une fois, c'est chouette. Ok, allez vous asseoir. Ensuite, prenez place. Je pense qu'il y aura pas assez de sièges pour tout le monde. Alors profitez de tes premiers. Ensuite, Ben pour la série Capo. Merci. Pour la série, c'est vraiment des intros vraiment préparées. Et ensuite, nous avons Marty et Hub pour la série Challenger. Vous êtes content? Super, tellement content. La salle est bien remplie? Ouais. C'est bon, on va t'asseoir. Et pour terminer, les noobs avec Fabien Fournier et Alain Jornet. Je veux pas que tu t'appelles Régis Robert, je ne vais pas t'en faire. On vous connaît? Tu viens avec ton sac et tout? Ouais, il y a... Dedans, il y a toutes les caméras de la trilogie, en fait, c'est pour ça. D'accord, ok, très bien. On vous volera pas. Et donc, on a mis une chaise en plus. Très bien. Voilà, donc, on va parler décor, maquillage, accessoires. Et pour commencer, j'aimerais qu'on parle des décors, maquillage, accessoires avec les Zikos. Parce que, bon, hey, moi je viens de Nerds, hein. Donc nous, quand on a fait la série Nerds, on s'est dit comment faire une série alors qu'on n'a pas d'argent. On a regardé chez moi, il y avait un canapé rouge et des jeux vidéo. On a fait, si on faisait une série sur les mecs dans un canapé rouge qui font des jeux vidéo. Donc voilà pour les décors, pour nous, pour les accessoires, pour nous, et pour le maquillage, on s'est dit... Alors les Zikos, vous... on avait... Non, le premier peignoir, c'était le peignoir Ingenchi que ma mère m'avait offert à Noël alors que je détestais la série, qu'on avait retourné. Et à partir de la saison 2 et demi, ma mère nous a fait un peignoir avec Kiki d'Arcade G64. Mais au départ, c'était un peignoir avec une fille. La louve. La louve. C'est un peignoir un gars ou une fille? C'était un... Alors, tu veux que je raconte toute l'histoire? J'étais avec une meuf. Et ma mère, on était ensemble depuis 6 mois à peine, et ma mère avait la bonne idée d'offrir un peignoir rose à ma copine et un peignoir bleu à moi avec nos noms. Marqué. On a failli se séparer à cause de ça. Voilà. Très bien, les Zikos. Alors vous, comment avez-vous eu l'idée de la série déjà et puis le maquillage, accessoires, décor, comment vous faites? Alors l'idée de la série, bah, en fait on est musicien, amateur éclairé, on va dire, dans la vie, depuis le lycée. Donc respectivement bassiste, batteur, guitariste, chanteur, dans des groupes divers et variés. Et donc en fait quand on se croisait sur les concerts, voilà, on se racontait les dernières conneries de nos groupes, tiens tu sais pas ça, ça, ça, ça, ça. Puis finalement sur un tournage, parce que chacun est respectivement dans l'image et dans le son, dans la vie, on s'est dit ça serait quand même pas mal de faire une même série, regarde ça nous coûte une blinde le décor, ça nous coûte une blinde tout ça, on a le matos, on a l'endroit, j'ai de la bière, qu'est-ce qu'on fait quoi? Et du coup voilà, on avait les caméras. On n'avait pas les comédiens, donc du coup on a tout tassé, on s'est dit putain économiquement c'est viable, faudrait bien qu'on le fasse nous, ça ne nous coûtera pas, ça sortait à chier, on n'aura pas laissé notre bras quoi. Donc c'était le postulat de départ. Après, on avait, bah, justement, Antoine, sa copine, elle travaille dans le maquillage et aussi le costumière, qui était la première à le faire. Putain, mais vous brillez, quoi. Enfin, voilà, les leurs sont. Ah, vous brillez, mais pas dans. Ouais, non. Donc, on a dû dire merci d'abord. Pas, en fait, ouais. Non, non, elle a dit la vérité, quoi. Non, mec, vous brillez, ça craint et tout. Ouais. Bon, voilà, tout ce qui était. Puis finalement, la thématique du rock'n'roll fait que ça sauve un peu les meubles, dans le sens où le côté limite, il y a des gens qui font ah, putain, c'est bien, ouais, bien. En plus, voilà, il n'y a pas de maquillage. Genre, en fait, on avait tourné un brouillon, on n'avait même pas les amplis. Donc on faisait comme si on les réglait. En fait, oh, putain, c'est génial, quoi. C'est super, il n'y a même pas les amplis, quoi. Trop bien, quoi. Pug, quoi, à mort. Non, brouillon, mais c'est pas grave. Mais tu vois, du coup, après, ça t'appartient plus. La thématique sauve un peu les meubles du fait qu'on est avec Kate Francis ou quoi. Et du coup, vous maquillez toujours pas. Bah non. Non, c'est dans la note de. Même dans la saison 2. Même dans la saison 2. Saison 2, non, on se maquille pas. Non, non, on a un plugin acné, je crois, sur Twitter. Décor, vous avez. Là où vous tournez, c'est à vous. Alors, en fait, ouais, c'est, alors, saison 1, on a vraiment les questions de répète, où on répète avec le groupe. Du coup, on a demandé à Steve. Enfin, comme si ouais, tout le monde connaissait Steve, et en fait, qui est responsable des caissons, qui du coup tourne dans la série, joue son rôle de responsable de caissons, donc on tourne dans son bureau, donc là, tout est amorti en fait sur la cohérence, et en fait c'est vraiment les endroits où on peut répéter. Et du coup après on a eu un problème, enfin on s'est dit ça serait pas mal qu'ils aient un squat ces musiciens, et étant tous trentenaires, on n'avait plus de squat, enfin, voilà, ça s'est arrêté à 25 ans. Du coup, on a eu par la mairie, on nous demandait, vous n'avez pas un endroit dégueulasse qu'on pourrait investir éventuellement avec l'électricité, donc on a demandé ça. Et ils nous ont sorti, il y avait une vieille école en friche, ils nous ont emmené une vieille salle, qui en plus se fait tomber que ta classe quand t'étais plus petit. Du coup, on a eu la salle de classe, on va aller, c'est parti. C'est bon. Et du coup, on a collé des posters, enfin, on a récupéré nos vieux posters dans nos greniers, on a fait des grosses photos. Quoi. Oui, exactement. Vous n'avez pas mis un poster des Doors? Non, parce que c'est plus un hommage à les garçons aujourd'hui, un poster des Doors qu'au Doors. Mais on a mis Kurt par contre. Ah, mis Kurt. Mais du coup, on a fait le squat qu'on aurait voulu à 25 ans. Vous payez ce décor? Non, la mairie nous prête l'endroit. Le prête? Ouais, donc on a une convention et tout. Bah, ça, tu vois, ça fait partie des choses, le fait d'avoir gagné un prix aussi l'année dernière. Ça donne une cohérence aussi à la mairie, ça donne, parce que tu pointes avec la série Rock'n'Roll, tu sors nulle part. Là, tu reviens avec un prix, du coup, ils te disent, bon, bah, c'est bien, ils font les choses. Dire intelligemment ou dans le bon sens, hein. Ça a une portée quoi. Du coup ils nous font confiance là-dessus, ils nous ont lâché la pièce et du coup ça nous permet de faire ce squat là. On a un petit studio quoi. D'accord. Donc, c'est pas... Donc du coup, décor, débrouillard, ouais. Pas d'argent, maquillage, pas d'argent et accessoires, pas d'argent, mais vu que vous êtes ouais, ici, ouais, c'est le nôtre. Ouais. Ok. Elle dit si en plus il y a pas de goal le même jour dans l'école, c'est ils peuvent pas jouer. C'est vrai? Oui. Vous faites des paintball? Je passe. Ben, pour Capo, là on est sur un truc un peu plus compliqué parce que ben, vous c'est super-héros. Oui, vous levez, enfin disons, c'est un bien grand mot super-héros. Le postulat de départ, oui, enfin, genre, ça se passe vaguement dans un univers super-héros avec deux gros couillons qui se disent chiche, on peut le faire nous aussi. Oui, mais pour ce qui est des décors, je suppose que vous vous démerdez un peu avec ce que vous avez, ce que vous trouvez, mais du niveau maquillage et costume, là, vous ne pouvez pas faire l'impasse. Ah, pour le coup, au niveau de la création des costumes, ça, c'est, effectivement, c'est un impératif. La grande question, c'est vu qu'on est tous plus ou moins fans de dans l'équipe des super-héros, la grande question, c'était sur quel... pour ceux qui se rappellent du film Les Indestructibles, le grand débat sur la cape ou pas cape. Cap. On y a passé 3 jours. On arrive à un compromis, il y en a un qui en a eu, il y en a qui en a pas. Voilà. Donc voilà, c'est effectivement pour les costumes, c'était un impératif. On est obligé d'en passer par là, on a pu chercher donc les différentes inspirations, en essence de rester dans un univers logique. C'est effectivement, il fallait qu'il y en ait un qui, de par sa naïveté, donc le personnage d'Exam, qui voulait absolument rester dans la référence, donc le côté cap, le côté très iconique, l'image vraiment du super-héros, et l'autre, le personnage d'Eric, qui lui est beaucoup plus terre à terre, qui lui devait rester dans une question de logique. Donc la veste de moto, donc rembourrée pour amortir les coups qui se prend dans la tronche, comme si la veste n'avait pas grand-chose au niveau de la tête. C'était logique, mais ça a été effectivement une partie qui nous a pris beaucoup de temps sur la création, même si la plus grosse partie du costume a été faite de par de la récup, de briques, de broc. Effectivement, on a trouvé une veste de moto qui était rouge et noire, Parce que oui, les couleurs sont purement chauvines, car on passe fleuri, rouge et noir. C'est pantouan, c'est ça? J'aime masse. Ouais. J'imagine pas le nombre de fois où on l'a chanté sur le tournage, celle-là. Rouge et noir. Non, non. On s'est tout de suite arrêté très très vite. Donc, au niveau des couleurs, c'était impératif, mais voilà, si on a fait des friperies pour trouver différents éléments qu'on peut récupérer, une veste de moto, un petit bout de tissu. David, qui donc incarne le personnage de Xav, sa copine travaille, enfin, fait beaucoup de cosplay à un niveau plutôt bon d'ailleurs. Donc, il y a eu beaucoup de travail sur la création de la cape, etc. Mais ça a été énormément de récup. Nos masques, c'est des masques de fête foraine qu'on a redécoupés parce qu'ils collent bien au niveau de nos visages. Donc on espère faire mieux et arriver à avoir un vrai costume qui ont vraiment de la gueule, mais quand on s'est rendu compte que ce qu'on avait réussi à bricoler, c'est vraiment du bricolage, bah passait pas trop mal à la caméra, mais arriver à un bon mix entre le côté purement amateur des personnages mais l'image iconique du super-héros, bah on se dit pas de coup de bol. Ouais. Et pour les décors, donc vous adaptez l'écriture de la série à ce que vous avez? Non, on devrait. Ah. Techniquement, l'appartement qui a servi donc l'appartement des protagonistes a changé trois fois de par non déménagement trois fois de suite. Donc logiquement, si vous faites attention, on se fait regarder, vous avez trois appartements différents, trois dispositions qui n'ont été justifiées qu'une seule fois. Et quand je dis justifié, c'est vraiment un appartement avec plein de cartons partout parce qu'on termine le déménagement. Et je trouve que la seule justification au fait que l'appartement soit différent qu'il y ait des cartons partout, c'est mais t'as pas un truc dans les cartons qui pourrait divertir. Enfin, on a jamais réellement pris le temps de justifier les différents changements. Après, pour le reste, les décors, une scène d'agression qu'on avait tournée, c'était dans le parking d'un des appartements qu'on avait. Et en fait, ça a été à partir d'épisode 10 où il a fallu trouver des locaux qui fassent locaux professionnels pour les 12 décors, donc de l'organisme maléfique des personnages du film, de la série. Là par contre il a fallu qu'on trouve quelque chose d'un peu plus costu. Donc pour le coup, vu que je suis hôte d'accueil dans un bâtiment de bureau qui gère des salles de réunion, on a passé un petit deal, on a demandé gentiment si on trouvait, voilà, mettant évidemment bien trop en valeur, pas trop dire de nom, etc. Donc à partir de là, on a commencé à faire tout ce qui était autorisation de tournage. L'inconvénient, c'est que plus ça avance et ça reste amateur, et plus que ça commence à se savoir, les autorisations deviennent de plus en plus difficiles à obtenir. Logiquement, pour ceux qui étaient à notre conférence hier, on espérait avoir l'épisode 12 à vous diffuser, sauf que notre récent tournage nous a été sucré deux jours avant. Donc, vu que c'était la seule scène qui nous manquait. On demande de l'argent? Non, c'est au final, autant quand on demande deux, trois fois, ça va, on va directement être assistante avec la secrétaire, donc voilà, on fait le papier, ouais, c'est bon. Quand on arrive à la cinquième ou sixième fois, le président commence à demander, mais c'est qui ces gens? C'est un petit jeune homme de la CAI? Et il fait quoi? Ah, ben, il fait ça. Ah ben non. Ah! Ils vont aménager le côté méchant. Pour le coup, les méchants n'aménageront pas, mais on tournera la scène dans un autre décor. Donc il a fallu réécrire la scène pour réadapter le tournage qu'on a dû trouver, s'adapter quand on a pu pour justifier le fait que. Ah non, mais ça se passera pas du tout là. Donc voilà, c'est pour les. Pour le reste des décors, c'est vraiment de la récup. C'est le garage d'un pote, le parking d'un copain. Donc voilà, après pour un petit extrait, un petit peu trop long de la conférence web série. C'est jamais trop long. Oh, tout de suite, quoi? Beaucoup trop de bonheur. Lol. Non mais du coup, pour revenir du coup sur la conf, donc c'est la troisième fois qu'ils en organisent une, il me semble. Ils l'ont fait il y a 2 ans, et l'année dernière, je sais plus s'il y en avait une. Je crois. Probablement. Parce que le salon des web-séries au TGS, le principal, je crois que ça fait 2 ans, non? C'est ça, oui. Ouais, ouais. Non, je pense que ça avait été testé avant, je crois, donc ça irait dans ce sens-là. Après, bah, là, du coup, sur cette conférence-là, bah, ça a été très orienté, bah, du coup, sur les décors, le maquillage et les costumes. Costumes. Et ouais. C'est parti aussi très souvent sur des anecdotes, là, du coup, pour David Mourier, donc qui présentait et qui menait un petit peu la conférence. Sur donc les costumes de nerds, après les décors qu'utilisait chacun. Donc c'était quand même assez une bonne conférence, je trouve. Bah, c'était sympathique du coup d'entendre un petit peu les anecdotes marrantes qu'ils avaient racontées à propos de, de leur galère ou de leur réussite sur leur série, quoi. Ouais, après, ouais, c'était aussi Zikos qui avait gagné du coup le prix de la web série au mois de novembre. Il disait que justement le fait de gagner ce prix, ça leur avait ouvert des portes. C'était quand même une. Ouais, le fait d'avoir gagné un prix en dehors de leur région d'origine, ça. Même si c'est pas forcément un truc ultra reconnu, encore, peut-être que ça viendra, hein, probablement. Oui. Pour espérer. Mais ouais, ils disaient que ça leur avait permis d'avoir plus de visibilité, plus de d'attention. Oui. Ensuite, du coup, on a fait aussi la conférence sur Challenger. Je crois que oui. Gandalf, t'as envie d'en parler. Ah oui, moi, Challenger, j'ai surkiffé. Parce que déjà, je suis fan de voitures. Et la série tourne autour de Challenger, donc c'est un hommage à la voiture du haut et une voiture emblématique dans la Dodge Challenger. Très belle voiture. Et donc, moi, j'ai bien aimé cette série parce que l'ambiance musicale était vraiment travaillée. Et des artistes assez reconnus dans le monde de l'électro qui ont travaillé. Ou du fait que la série est associative, donc ne doit pas générer de bénéfices vraiment importants. Donc les artistes ont donné le droit d'utiliser leur musique gratuitement. Ouais, c'est ça qui est, je trouve, assez bien dans le projet, c'est que tous les artistes ont été d'accord pour donner leur travail pour la série. Et c'est des musiques, c'est très bonne musique. Je crois ils ont dit qu'il y en avait un, il avait fait la musique de Hotline Miami, il me semble. Ouais, Hotline Miami 1 et 2, ouais. Donc, Hotline Miami, ça reste l'un des jeux, outre un gameplay assez particulier, et qui sort un peu des sentiers battus, c'est surtout sa musique. Où le 2 a fait il y a eu d'énormes spéculations sur qui allait faire la musique. Les gens cherchaient avant la sortie du jeu déjà. Si les musiques étaient dispo, tout ça, c'était vraiment. Je sais qu'il y a une grosse attente là-dessus, et à la sortie du jeu, ça fait des émules, quoi. Ouais, après, ouais, c'est vrai que ça donne envie de voir les autres épisodes. Parce que là, du coup, ils nous ont montré l'épisode 0. Donc le pilote. Ah, ouais, l'épisode pilote, ouais, qui sert de prologue, ouais, au final à la série. Au-delà de l'univers musical, tout l'univers de la série a vraiment l'air ultra intéressant et vachement original aussi. Oui, ça sort des sentiers battus, c'est très léché. Ça fait très, on disait, c'était des inspirations de Tarantino, des films des années 80, un petit peu comme c'est ça. C'est ça, quand tu vois l'univers. L'univers graphique et tout, la manière dont c'est filmé, c'est très mystérieux. Pour l'épisode qu'on a vu, c'est avec une palette de couleurs bien, bien spécifique à cette ambiance. Puis, en termes de. Comment dire le fait qu'il n'y ait pas de dialogue. Oui, parce que du coup, oui, en fait, c'est un. Alors, comme il disait. Un clip commenté. Donc en fait, on voit les images et il y a une voix off, donc qui est. Ça y est, j'ai reperdu le nom. Comment il s'appelle ? C'est la voix off de Damien Boisseau. Damien Boisseau. Voilà. Boisseau. Donc, c'est Damien Boisseau qui fait la voix off. Et qui semblerait tenir le rôle d'un personnage aussi. Ouais. D'après ce qu'il a dit, et en fait, c'est pas le héros principal parce que justement, la voix off parle du héros. En disant voilà comment je l'ai découvert. Et Et puis à un moment il parle t'as l'impression qu'il parle un agent, il dit vous savez monsieur l'agent ou un truc comme ça, je sais plus exactement quel terme il utilise, mais c'est comme s'il passait un interrogatoire, un truc comme ça. Ça a l'air assez ça te met dans l'ambiance et tout, quoi. C'est vraiment sympa. Puis la voix qu'il a, quoi, Damien Boisseau, la voix de Matt Damon. Ouais, c'est ça, en fait, t'as juste à fermer les yeux pendant la projection et tu dis, ah merde, putain, il y a Matt Damon qui est à côté de nous. T'as l'univers graphique, t'as l'univers musical et t'as juste la voix de Damien Boisseau qui vient te conter un petit peu le truc. Ça marche très, très, très, très bien. Le seul bémol que j'ai trouvé personnellement sur les pilotes, c'était que ça tremblait beaucoup. au niveau de la caméra. Ah, mais je... Après, oui, ouais. Je sais pas si c'était quelque chose qui était voulu ou si c'est parce que c'était le prologue, l'épisode pilote. On verra. Je sais pas, moi j'ai pas fait attention. J'ai l'impression que ça tremblait pas mal. Ouais, il y avait du. Il faudra que je le revoie pour. Pour vraiment être sûr. Mais ça, en plus, je crois qu'ils avaient dit que ça serait projeté que lors de conventions ou de festivals. Donc. Je sais plus, ouais. Il me semble. Alors, en tout cas, c'était une avant-première. Ouais, ça, en tout cas, c'est sûr. Exclu. Exclusivité TGS Prime Break. Ouais, comme Space. On a eu droit aussi à. Mais on y reviendra après. Oui. Ouais. Bah, puis du coup, je suis allé donner un petit 5 euros sur le Ulule de Challenger. Ah, du coup, t'as participé au Ulule. Ouais, je me suis dit quand même, ça valait le coup. Oui, ça vaut plus que le coup. On roule pas sur l'or, mais 5 euros. Oui, ouais, c'est histoire de dire, bon, bah voilà, j'ai un petit peu aidé, quoi. C'est ça. Ça m'a plu, alors pourquoi pas les aider. Voilà. Ouais, moi j'ai bien aimé, c'est vrai que c'était assez frais, finalement, c'est rétro et frais en même temps, c'était assez particulier, mais je pense que ouais, c'était l'ambiance musicale, c'était très... Il y avait du travail quoi derrière. Puis à mon avis, je pense aussi que le parti pris que ça soit une voix off qui raconte, bah ça change complètement des web-séries qu'on a l'habitude de voir, ou même des films, c'est une narration ça, complètement ça différente. Distingue. Totalement du reste de la web série. Là, t'as pas l'impression de voir une série en fait. Je sais pas comment expliquer le truc, mais. Bah, moi au début, ça m'a fait comme si c'était un documentaire en fait. Ouais, ou un film documentaire, tu vois. L'ambiance de film documentaire. Je pense que ça sera intéressant une fois que les 8 épisodes, je crois. 7 ou 8, 7 épisodes, ouais, 7 ou 8 épisodes sont sortis de faire tout ça à la suite pour voir vraiment le truc d'une traite. Je pense que ça sera super intéressant aussi. Ouais. Ensuite, bah, du coup, on a fait. On va enchaîner les conférences. Donc, du coup, on va parler de la conférence organisateur. Donc, ouais. En fait, bah, ils font ça quand même assez souvent. Parfois, non ? Ils essayent. Bah, ils le font quand ouais. Ils peuvent. Ils essayent de faire. Après, c'est pas facile pour eux. Quoi. Je sais qu'une fois, donc ça va être pour le Spring Break de l'année dernière, où ils disaient ouais, qu'ils auraient dû en faire une pour le Spring Break normal et ils n'avaient pas pu faire, mais ils auraient dû. Et ils l'ont fait là, mais alors qu'ils n'auraient pas du tout. C'était un. Ils n'avaient pas vraiment prévu. Ouais. Mais ouais, c'est toujours sympa d'avoir en face de nous les organisateurs pour pouvoir leur poser des questions sur leur gars et pour qu'ils puissent nous donner eux aussi des explications. Ouais, c'est vrai, c'est bah, du coup on voit quand même l'autre côté de la convention où bah du coup on peut en plus là on pouvait leur poser des questions bah vraiment toutes les questions qu'on voulait par rapport bah, à la convention ou à TGS événement ou ce genre de choses. Donc c'était quand même assez intéressant de pouvoir leur poser des questions. Non, ouais, c'est vrai que ça mettait pas mal de choses en abîme, quoi. Ça permettait de... Parce que je pense que TGS normal, ils ont pas trop le temps. Je sais plus s'ils avaient fait une conférence de ce type au dernier TGS. Je m'en rappelle plus. Je suis pas sûr qu'ils aient eu le temps. Je pense que sur le gros TGS, ils sont vraiment bookés et qu'ils n'ont pas vraiment le temps de faire une conférence organisateur. Et du coup, ouais, c'est comme ça, bah, ils ont pu revenir sur les 2-3 couacs de l'année dernière par rapport aux entrées. Quoi qui se passe ? Non, faut pas la faire, chute. Ou du coup, ouais, bon, on en avait un petit peu parlé, mais il y a eu un gros problème au niveau des entrées. Et du coup, cette fois-ci, ils ont vraiment décidé, bon, ils vont essayer de mettre ça en place, c'est de faire deux entrées complètement distinctes, avec une entrée vraiment les préventes, et une entrée pour les caisses. Je pense que ça, c'est, bah, c'est ce qu'ils auraient dû faire depuis le début. C'est sûr que ouais, c'est pas séparé vraiment deux entrées du salon distinctes, une à un bout, une à l'autre bout, ouais, ça peut aider à gérer le flux en fait ouais. Oui parce que c'est de gens qui vont arriver. Parce que c'était combien qu'ils avaient. Bon je pense qu'on peut déjà donner les chiffres. Ils avaient dit combien pour le dernier de TGS de Prevent, c'était 20 000 20 000 il me semble ouais. Ouais, 20 000 entre nous ça. Donc c'est juste minimum bien évidemment, 4 fois plus que ce qu'on aurait dû avoir au TG Spring Break, parce que c'était limité à 5000 entrées, ouais, quelque chose comme ça, quoi. Et à... c'est la capacité d'accueil à un instant T de Diagora, c'est 4800 personnes. Mais ils ont dit qu'ils avaient déjà pété le samedi, déjà ils avaient pété les 4800. Ce que franchement on n'a pas trop ressenti. Hein. Bah, on y reviendra peut-être après. Mais... Ouais, pour moi ça a la même population en fait que les années précédentes. Donc. Ouais, mais j'ai pas senti de jeunes particulières dans les déplacements, dans les allées ou quoi. J'ai senti que c'était un petit peu c'était plus fluide. Voilà. Tu pouvais circuler de façon fluide et voilà, oui, malgré le mauvais temps de samedi qui faisait que bah, les gens ils n'étaient pas forcément dehors. Ouais. Oui. Franchement, ça allait quoi. Tu pouvais circuler tranquillement dans les allées, voir les gens en cosplay, voir les auteurs. Pouvoir les prendre en photo tout. Aussi pour le cosplay. C'est ça, ouais, ouais. Après, ce que j'aime bien aussi de maintenant dans Adiagora, c'est que la file d'attente pour aller à l'amphithéâtre, bah du coup, elle est beaucoup mieux gérée qu'avant. On est obligé de la queue commence en bas, on monte les escaliers, on fait le tour devant devant l'amphithéâtre, et on finit par rentrer. Ouais, il y a plus de gruge en passant par un escalier ou par l'autre. Bon, ça c'était déjà comme ça l'année dernière, il me semble. Même il y a 2 ans, je crois. Ouais, probablement. Bah, petit à petit, ils améliorent quand même un petit peu le système. Après, c'est sûr que la file d'attente pour l'amphithéâtre, par rapport à la capacité de l'amphithéâtre, elle est pas immense. Tu as juste le petit couloir plus l'escalier, ça fait un peu cheap, quoi. Après, tu te retrouves vite fait à t'entasser en bas devant le stand de. Création de GN et il y avait de GN, la fédération GN aussi. Ou ça a même fait le tour du stand de comics qui est un petit peu plus loin. C'est pour la masterclass de. Les conférences, les masterclass Nico Théro. Ouais. Ça prenait tout le hall d'Agora en fait. Le truc, ça faisait le tour, ça allait jusqu'à l'autre bout. Là, tu sens la limite du truc. Quoi. Non, parce que l'amphi est finalement vraiment énorme. Bah ouais, c'est une vraie salle de ciné. Je sais pas combien il y a de place exactement dedans, mais. Pas mal, c'est assez sympa. Et le souci c'est que t'as pas de place en fait. Il y a vraiment pas de place pour faire une file plus longue. Oui. C'est dommage, mais bon. Parce que il y a pas eu de souci. Il y a quand même pas eu de souci. Après, c'est vrai que ce système de file, bah ils peuvent pas du tout le mettre en place pour, on va dire, la version normale du TGS. Si c'était toujours à Diagora, parce que il y a vraiment plus de place après. Ils seraient obligés de prendre tout le hall d'Agora juste pour faire des files d'attente. En bas, sur le carré central, il y aurait juste une file d'attente, c'est tout. Ils avaient tous les halls. Je sais pas si ça serait suffisant. Voilà. C'était à la file d'attente, elle ferait tout le tour du premier étage, puis ça descendrait à l'escalier, puis ça faisait tout le rez-de-chaussée. Quoi. Ce serait complètement démentiel. Ah, c'est vrai que c'est. Après, comme il disait, je pense qu'on peut déjà. Ils avaient dit que pour le TGS normal, ils voulaient avoir le hall des expositions de Toulouse, mais bon, que voilà, il y a d'autres trucs en même temps, donc ils peuvent pas tout avoir pour le moment. Oui. Pour l'instant, rien n'est sûr, mais ils espéraient pouvoir avoir un ou deux, je crois, hall de plus. Je crois que c'était un ou deux, ouais. Ils étaient toujours en pourparler pour négocier. J'ai trouvé ça dommage justement sur la conférence organisateur par rapport à celle de l'année dernière, c'est qu'ils n'ont pas pu nous faire d'annonce par rapport aux invités au prochain TGS. Notamment sur les invités ou même le reste où ils nous avaient dit on aura un mall de plus. Bon, l'année dernière ils nous avaient dit on aura un mall avec un demi-mall pour Ankama. Bon, en novembre on n'a pas vu Ankama. Ouais, après parce qu'Ankama n'a pas pu venir. Donc, Mais ils étaient encore en pourparlers pour les invités et tout. C'est dommage, alors que l'année dernière, ils nous avaient annoncé. Amanda Tapping, ils avaient fait. Ouais. Là, en plus, pour cette conférence organisateur, on était quand même dans l'amphithéâtre, donc ça rajoutait un petit peu de prestige. Là, cette fois, surtout dans la salle Ellipse, après, il n'y avait pas grand monde qui participe forcément non plus. Donc, c'était bien aussi, et puis. Le problème de la salle Ellipse, c'est que. t'entends pas les gens quand ils posent des questions, quoi. Bah ouais, c'est ça. Quand ils sont dans le public. Oui, parce que là, du coup, il y avait pas du tout de système avec de un micro. Ça, il y a personne qui circule avec un micro, ce qui fait que ouais, quand les gens posaient des questions, s'ils sont derrière toi, tu les entends, mais s'ils sont devant toi au premier rang, t'entends ouais. pas du tout ce qu'ils disent. C'est vrai que ça, c'est un petit peu dommage, mais bon, c'est pas non plus ouais, désagréable. C'est pas non, c'est pas. On l'a oui. rendu. On est mignon. Ensuite, on a refait un petit tour. On a fait beaucoup de tours au niveau des stands. Et en fait, moi, je voulais revenir encore une fois sur le stand Poil de Martre. Donc, on en avait parlé déjà la première fois où c'est un stand de peinture, en fait, où ils vendent leur peinture. Et on va écouter en fait la première interview que j'ai faite. Donc, on va y aller. Bonjour, alors je suis sur le stand Poil de Martre. Donc j'ai avec moi l'artiste. Donc je vais vous poser quelques questions. Ça serait déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter ce que vous faites en fait sur le stand? D'accord, en fait on est deux artistes indépendants. Donc il y a Nina qui n'est pas là aujourd'hui mais qui est peintre. Et moi c'est Duff. Donc on fait de la peinture sur toile. Sur tous les thèmes qu'on aime, le fantastique, la bande dessinée, enfin. C'est du coup là je vois y a du Joker, il y a du Catwoman, il y a du un tigre, un gorille, il y a un très beau Venom, je pense que je vais me prendre une petite version à 22€ parce qu'elle me plaît bien. Quand vous venez sur les salons comme ça, c'est pour de la visibilité, vous montrez ce que vous faites ou partagez avec les gens qui viennent sur les salons? Déjà pour montrer ce qu'on fait, ouais c'est sûr. Après partager, souvent on nous demande comment on fait, comment on réalise tout ça. Il y a un partage aussi. Les techniques, un peu comment vous faites pour vraiment peindre Ouais, exactement. C'est, donc nous, on fait beaucoup de peinture acrylique et avec un mélange de bombe aérosol. Donc les gens sont un petit peu interpellés sur le dynamisme et le mélange des deux et du coup, ça fait réagir. Quoi. Donc, je dis c'est bien aussi. Ouais. Et du coup, est-ce qu'on vous avez sûrement un site internet pour vous retrouver? Ouais, poildemartre.fr. Et du coup, il y a un petit peu tout ce qu'on a fait depuis le début. On fait pas que ça non plus. À côté, on a fait un peu de décoration, un peu de graffiti, un peu. C'est un mix de tout. C'est un gros mélange de culture, enfin, de tout ce qu'on aime, quoi. Donc. D'accord. Merci bien d'avoir répondu à mes questions. Et je vais vous prendre un tableau. Merci à toi. Ouais, c'est vraiment là une petite interview bien sympa. Improvisé. Ouais, improvisé. Mais sympa. C'est vrai que je suis arrivé sur le stand. J'ai fait, est-ce que c'est possible de vous interviewer J'ai fait, pas de problème. C'est vrai qu'il était quand même plutôt sympa. Et après, on a parlé un petit peu plus parce que du coup, j'ai pris une version petit format de leur tableau Venom. Et m'expliquait en fait qu'ils avaient travaillé donc Nina et Duff. Dessus, donc Nina à la peinture et lui au graffiti. Donc d'abord il avait fait 4-5 jours pour poser vraiment le dessin. Et ensuite Nina avait mis un jour pour après rajouter les détails au pinceau. Ouais, donc il y a quand même beaucoup de taf derrière. Ouais. Ouais, en plus, c'est pour moi, c'est vraiment un coup de cœur. Il y a toujours le Master Chief aussi qui est pas mal. Ouais, c'est bien fait. Mais après, tous, quoi. C'est juste, démentiel de la côté des toiles, quoi. Ensuite, est-ce que vous avez vu d'autres stands qui vous ont interpellé ou. Je réfléchis, mais c'est vrai qu'à Diagora, t'as vite fait le tour, quoi. Donc, parce que les stands, ils sont la grosse majorité, ils sont en bas, pour ceux qui connaissent. Ouais. Dans la partie Agora de. C'est ça, voilà. La partie Agora, donc avec la scène principale juste à côté. Donc là où on retrouve chez Marcus, on retrouve les concerts, les cosplays. Bon, je pense qu'on y reviendra un petit peu plus tard. Donc j'ai pas vu de trucs fifou. Ouais, c'est surtout les stands entre guillemets commerciaux qui se trouvent de ce côté. Ouais, c'est ça. Donc bah, ça va être du t-shirt geek, du goodies, des figurines. Du miam miam. Il y a des très belles figurines quand même. Mmh. Ouais, c'est vrai qu'il y en a qui donnaient envie de les acheter. Mmh. Mais après ouais c'est le bah, c'est toujours le pendant un petit peu l'inconvénient de ce genre de convention, c'est que bah du coup c'est du salon pour vendre, donc t'as toujours les stands de sabres ou bah c'est normal aussi quoi. Oui. Ça fait partie du truc. Mais du coup ce que je trouve bien dans le Spring Break, c'est que bah vu qu'il y a pas beaucoup d'espace, on retrouve pas beaucoup de stands plusieurs fois en fait. Oui. Ouais, ouais, c'est ça. Il n'y a pas 40 000 stands qui vendent de faux sacs Totoro. Ouais. La même chose. Ouais. C'est vrai que ça faut. Ouais, ça limite, quoi. Ça limite ouais. Le truc. C'est vrai que c'est un des gros même inconvénients. Il y avait des bonbons. Vas-y. Il y avait des bonbons en haut et des bonbons en bas. Bah, toujours. Toujours. Non, après, ouais, au niveau des stands, il y avait quoi de intéressant. Bah, c'était plutôt du côté. De l'autre côté, du coup. Oui. Sur le sous-sol, bah, là où il y avait la Nintendo League. Nintendo League et tout ça. Mm. Là où Grand Alpha fait un petit peu de Smash Bros. Smash Bros. Et où il y avait aussi un stand. On n'a pas testé, mais on y avait le stand Oculus Rift. Oui, dans la salle avec les jeux indépendants. Les jeux indépendants. Les éditeurs. C'est toujours la salle où il fait 30 degrés. Putain, il fait 45 degrés dans cette salle, c'est horrible. Il y a au moins 10 PC et au moins 15 geeks. 10 mètres carrés avec 15 PC avec des jeux indés plus l'Oculus Rift, c'est horrible. Quoi. Le dimanche soir, ça doit sentir. Ouais, je sais pas comment ils font les devs indépendants pour rester tout le week-end là-dedans. C'est... Ah, ils devaient prendre tout sec. Le double litre de flotte dans le dos parce qu'il y a ouais la pince de brebis. On ne citera pas qui s'est trimballé avec une pince de brebis. Je vois pas du tout de quoi tu veux parler. Après il y avait quoi, bah, il y avait un peu le stand de il y avait les comics. Les comics ouais. Déjà surtout chaque année, les auteurs qui étaient en dédicace qui chaque année reviennent finalement, ça fait un an je crois que c'est lancé ce soir, oui c'est ça ouais. un an et demi que c'est lancé je crois la comic zone, ça avait été lancé pour ouais bah, l'année dernière sûr ils y étaient déjà, mais après ouais peut-être qu'il y avait c'était peut-être pas aussi officiel que ça en fait. Ouais bah, je pense bah, avant c'était peut-être pas organisé par Hype Media, je pense. Oui. C'est depuis qu'ils ont la structure qui les aide vraiment à organiser la Comic Zone. Où là, ça a pris un peu plus d'ampleur et c'est très bien quoi. Tant mieux. Ouais. C'est bien géré. Ouais. Après, ouais, niveau stand, il y avait quoi d'autre ? Il y avait toute la salle Edge avec les jeux à disposition. Ouais, c'est vrai qu'après, au niveau du, on va dire, ouais, la salle Edge, il y avait pas trop de choix, je trouve. Il y avait beaucoup de tables de zombicides. Oh, très bon jeu, mais c'est vrai que... Ouais. Bah après, il y avait que du jeu Edge, quoi, donc c'est ça limite aussi. Hein. Je sais pas s'ils ont beaucoup plus d'actualité que ça. En termes d'édition, en ce moment, on a déjà part du... Peut-être du Game of Thrones Il y avait du Game of Thrones, mais il y avait du Game of Thrones. Je crois qu'il n'y a pas de nouveauté d'ailleurs sur Game of Thrones, je suis pas sûr à 100%, mais... Il semble qu'il y avait du Horror Arkham aussi, je crois. Il y avait The Witcher, il y avait Star Wars Armada. Ouais, The Witcher était en vente, mais je suis pas sûr qu'il y avait des tables. Il me semble qu'on a vu une table quand... Il y avait... Ouais, on en a vu qu'une seule quand on a fait le tour... Il y avait Star Wars Armada. Après, il y avait du Mars Attacks. Où boîte aussi, est super nom, belle, façon vraiment jeu années 80. Quand tu vois le jeu installé, tu te dis ok, c'est Marcel. Le truc, c'est vraiment. Ça c'est magnifique, c'est beau. Ça colle direct. Mm. Après, ouais, bah, c'est du jeu Edge, quoi, donc bah, c'est limité au catalogue Edge. Oui. Mm. Mais c'est toujours plaisant de pouvoir faire une petite pause entre deux conférences ou un truc comme ça. Quand t'as pas grand chose à faire. Ouais. Oui, ça. Puis ouais, après, ouais, ça permet d'ouvrir le panel de choix en fait que peut proposer la convention. C'est ça, ça ouvre aussi ouais, la convention aux gens qui sont plus orientés à jeux de plateau. Ouais, bah c'est lors de la conférence organisateur, justement, ils étaient revenus sur le fait d'augmenter les billets de 1 euro pour avoir les accès illimités et gratuits bah, sur les manèges. Sur les manèges, ouais. Ouais, bah ça a été totalement bien expliqué aussi par les organisateurs. Ouais. Quoi. Bah, c'est vrai, après, c'est. Je comprenais la question, bah, le point de vue de la personne qui avait posé la question, ah oui. Comme quoi, bah, lui, totalement, parce que, il s'en foutait un peu quoi, des manèges. Voilà, on est dans le même cas que lui. C'est ça. Sur les 2 ans, on n'a pas fait un seul manège. Et pourtant, c'est pas faute de vous pousser au cul. Hein. Ah bah, on t'a pas empêché de faire les manèges avec Wish, hein, y a pas de soucis. Ouais, mais en étant tout seul, toi, c'est pas drôle, quoi. Alors moi je veux bien le faire, mais faut pas s'attendre à ce que je bouge en sortant. filer un seau, ou m'amener aux toilettes, et c'est tout. Non, mais la prochaine fois, plus. On mange et on fait le manège. Mais après, oui, c'est sûr, ouais, payer soit faire un supplément pour accéder au manège, soit mettre 1 euro de plus sur tous les billets et tout le monde a droit au manège illimité. Ils ont fait le sondage, ils avaient dit. Hein. Oui. Et il y avait eu un retour de 70% pour le 1 euro de plus sur les lignes. Ouais. Et puis pour eux, c'est un peu plus safe de passer par cette méthode-là. En plus. Donc, totalement. Ça leur permet de générer plus de sous aussi, je pense. Oui. Et de toute façon, c'est ce qu'on appelle les impôts, ce qu'on appelle la société. Hein. De toute façon, moi, de payer 1 euro de plus, bon, c'est vrai que ça... Ouais, voilà. Pas non plus, c'est pas dramatique, quoi. C'est exactement ça. Ah, je paye 1 euro, j'ai pas fait les manèges, bah... Oui, ce sera pour la prochaine fois. C'est tant pis pour moi, quoi. C'est ça. Mon billet, il y avait 1 euro inclus dans mon billet pour que je fasse les manèges illimités. J'en ai pas profité. Tant pis pour moi. Oui, après, c'est aussi le jeu des conventions. C'est que de toute façon, ils vont proposer sur toute la journée plein de choses. Donc tu peux pas être dans toutes les conférences, ça, partout en même temps. Donc tu choisis ce que tu veux faire. Tu peux exactement faire le parallèle avec tout le reste. On peut faire du flipper, on peut faire des bandes d'arcade, voilà. Peut-être vous fâcher, mais personnellement, les auteurs comics, je m'en fous. Ah mais ça ne m'étonne pas, de toute façon... Je suis pas du tout dans l'univers comics, je suis pas du tout ça. Donc moi, voir un mec qui est auteur de comics, bah tu m'en montres un autre, ça t'en touche une sans bouger l'autre. C'est très beau tigou, ça. Et pourtant, ben, mon billet, il inclut le fait que je vais voir des auteurs de comics et avoir des dédicaces, quoi. Oui. Tu peux faire exactement le même parallèle, et ça me dérange pas plus que ça. Pareil, Greg Nicotero, ou qui sait, voilà. Après, eux, c'est peut-être un peu plus particulier, puisqu'ils font payer leurs dédicaces après les auteurs américains. Donc, pas tout à fait pareil. Oui, bah, t'as les bandes d'arcade, t'as Nintendo, c'est ça, Wii, t'as les flippers, t'as l'association Multiball, les flippers, ils sont pareil, ils sont un accès limité et gratos. Hein. Et on peut jouer aux flippers, il me semble aussi qu'il y avait de l'airsoft en extérieur. Ouais, mais j'ai l'impression que c'était petit comme truc, je sais pas. C'était en fait les chapiteaux blancs. De l'airsoft de nain. Ouais, les trois petits chapiteaux là, mais du coup ça faisait un peu petit, comment ça se passe? Ah ouais, il y avait un truc. Ouais, quand tu sortais pour aller au manège, c'était le long du mur sur ta droite. Tu sais, l'année dernière, il y avait les trucs de sumo et le segway à cet endroit-là. Ah oui. C'est tout le sumo là. C'est où tu tires un bon portant. Et bah là, ouais, là-dedans, il y avait 2-3 chapiteaux, mais ouais, ça me semblait petit. Mais c'est le truc de Airsoft. Hein. Bah, il me semble que c'est ce que j'ai vu marqué sur une des bâches à l'entrée. Et pour les bigleux. Ah ouais, c'est possible. Hein. Mais bon, vu qu'on n'est pas allé trop souvent, je crois qu'on a fait juste une fois dehors sur les manèges pour voir ce qu'il y avait. On est sorti, on fait bon, bah voilà, on est rentré. Mais il a pas fait méga chaud, il y a eu du vent, donc c'est vrai que c'était pas... Ouais, bah c'est Toulouse, quoi, il est toujours dur. Bah dimanche, ça allait. Dimanche, il faisait quand même un peu plus beau, quand même. Mais c'est vrai que le samedi, c'était pas si fou, quoi, comme temps. Sur quoi on pourrait rebondir. Après, bah, on peut parler de Space, c'est bien, on était dehors, après on va dans l'espace. Ah, oh, bah bien sûr, ok. Transition 2000. Ouais. Aspie, c'est moi, ça m'a botté, quoi. C'est vraiment bon. Après, c'est un peu petit caca. Je me casse petit caca. Ouais. Après, bah, c'est donc, de David Mourier quand même. Donc, c'est du David Mourier, exactement. Ah oui, c'est du pipi caca, mais moi, ça m'a plu. Mais ce qui est bien par rapport, parce que du coup, il avait déjà projeté le premier épisode, il me semble, où il en avait projeté d'autres l'année dernière, puis en novembre. Où justement oui. Il expliquait c'était pas du tout pareil. Il expliquait un peu plus en fait le concept que là il a complètement il en a pas parlé. En fait, c'est que chaque épisode parle de la thématique de l'audiovisuel. Donc à chaque fois, parce que par exemple, le truc symbolique, c'est que le missile qui se prenne dans le vaisseau, c'est marqué en gros, c'est ça quand même. À chaque fois. Oui, c'est sur un épisode. Mais ils sont attaqués par chaque épisode, il y a un truc sur l'audiovisuel ou ce genre de choses. Donc c'est vrai que c'est intéressant de ce point de vue-là. C'est vrai que là, il a plus détaillé la technique, la réelle et la prod du projet en fait. Parce que ça fait quand même longtemps que c'est plus ou moins que c'est enregistré, filmé. Qu'il avait ça dans les cartons et ça doit faire deux ans, je crois. C'était pas vraiment abouti. C'est ça. 2013, c'était, je crois. Quasiment deux ans, pendant les vacances d'été. Il a commencé à en parler. Il me semble que c'était au Spring Break de l'année dernière qu'il avait déjà montré quelques trucs. Ouais. Il était temps que ça sorte, quoi, à un moment. Il cherche un producteur pour rémunérer, donc c'est parti chez Golden Moustache. Ouais, c'est ça. Et du coup, là, il y a, je crois, les premiers épisodes qui sont disponibles là sur le site Golden Moustache, où il y a deux épisodes par jour, je crois. Donc c'est ça, Ça dépend, je crois, il y en a 5 qui sont sortis depuis avant-hier, ça commence. Ils ont dû faire un avant-hier, deux hier, deux aujourd'hui, je crois, un truc comme ça. Mais c'est vrai, c'est moi, c'est du David Bonnier, quoi. C'est super référencé, il y a plein, c'est référencé et pipi caca en même temps. Okay. C'est ça. C'est du Star Trek, du pipi caca et d'autres. Et plus encore. Ouais. Non. Après, on a vu 6 épisodes, je crois. 5 ou 6, voilà. Donc à partir de demain, il va falloir regarder l'épisode qui sort sur Golden Moustache, parce qu'il y a ça va être des nouveaux. Ouais, des inédits. C'est ça. Oui. Mais après c'est vrai que ça. Tu vois, moi j'ai bien accroché au principe en tout cas de Space, déjà d'avant, puis là de la tournure que ça a repris, où t'as tous les clins d'œil de Star Trek, où t'as les. Merde, le t-shirt rouge, du coup qui se fait tuer un petit peu bizarrement dans chaque épisode. C'est vrai, du coup, c'est très référencé à Star Trek aussi. Ah oui, totalement, le code des t-shirts, les noms. Le red shirt. Le red shirt qui meurt tout le temps. Les noms des personnages qui sont des mix Star Wars et Star Trek. C'est vrai, oui. Puis l'esthétique du vaisseau aussi. Oui. Ouais. Oui, qui est très. Qui est très Enterprise. Ouais, mais c'est vrai que ça, par rapport, je sais pas si vous vous rappelez de la projection de l'année dernière, où du coup, le vaisseau, il a rien à voir. Ah, j'ai pas vu l'année dernière, donc je peux pas infirmer ou confirmer. Je me suis oublié. Moi, il me semblait que c'était vraiment du truc, du bricolage, genre Lego, ou de la maquette, mais vraiment tout de suite. Alors que là, c'est du. C'est de la 3D, c'est fait en image de synthèse, Peut-être que ça a peut-être été refait, hein. Possible. Bon, je pense. Ouais, je sais pas, vous avez d'autres choses à rajouter sur Space? Alors que ça reste à voir, c'est pas une série, c'est pas... On n'est pas obligé d'y consacrer, c'est pas des épisodes qui durent... c'est des épisodes qui durent quoi? Ça dure quoi, 3 ouais. Entre 3 et 5 minutes, je dirais, un truc comme ça. Oui, c'est une mini-série. De qualité, qui est bien fait, voilà. C'est vraiment... c'est cheap, ça se veut cheap, et c'est cheap. Oui. C'est cheap, quand tu vois le making-of, réalisé dans la grange de ses parents en Ardèche, avec trois plaques de placo. Et une porte. Et du scotch. Ils ont quand même eu un budget déco de 200 euros en tout, je crois. 250 euros, un truc comme ça. Mmh. La moitié dans le tapis, l'autre moitié dans tout le reste du décor. Dans les plaques. Dans les plaques de placo. Mmh. Du coup, on peut passer un petit moment musical, je sais pas si ça vous dit. Mmh. Ah, allez, on y va. On va commencer par ça. Donc c'est Clémentine et Dernier Dinosaure. Que d'émotion quand même. Hein. Ouais. Vous êtes choupi, ça trop c'est métal. Cool. Donc du coup, tu sens que c'était la fin de la convention. Ouais. Ouais. Parce que j'étais à côté du micro et on m'entend pas chanter. Tellement j'avais plus de voix. Ouais, t'es cuit quoi. J'en pouvais plus. J'avais plus à crier. On sortait du stand coucou circus, c'était pas possible. Du coup, qu'est-ce que vous avez pensé de ce concert? Ah, je me suis bien régalé moi. Gandalf, qu'est-ce que tu as pensé de Clémentine? Et Clémentine, elle est gaulée. À part ça, elle chante très bien. Déjà. C'est-à-dire que on fait pas de la nostalgie en se disant, on va faire un truc nostalgique et on va ramasser des pépettes et. Enfin, toutes les pépettes. On va ramasser les quatre choses. Je suis pas sûr qu'il ramasse grand-chose. Hein, mais... Ouais, c'est pour ça. Enfin, tout ce qui est apprendre est bon à apprendre, comme on dit chez moi. Non, c'est un peu comme le Neko Light Orchestra qu'on avait. Que j'avais débattu un petit peu. Yep, voilà, avec. Ça, toi, un auto-référence tout même, ça. Allez voir les anciens épisodes, hein, see you next time. C'est quelque chose qui est bien fait. Mm. Ouais. Voilà, musicalement, c'est recherché un minimum, c'est pas. C'est pas Bernard Minot qui vient et qui chante ses anciens tubes et qui s'en va, voilà. Non, ça va un peu plus. C'est vrai ça. Que le côté punk rock, c'est pas déplaisant quand même. Non, ça c'est pas vraiment pas déplaisant, c'est assez original. Ouais, c'est ça. Ça change un peu quoi. Ça remet au goût du jour les génériques peu de notre enfance qui ont quand même bien vieilli. Hein, c'était générique, ça reste à graver jamais dans nos mémoires. Okay, oui, c'est une chose, mais là, les avoir dans un truc un peu plus dans nos goûts musicaux actuels. Ouais, remis au goût du jour au final. C'est ça, voilà, c'est exactement ça. Et ouais, c'était plaisant quoi, écoutez, c'était sympa. Bien fait, ouais. Mais du coup, on va quand même rester un petit peu dans la nostalgie avec le deuxième extrait du concert de Clémentine. Oui. Thank you. Et là, on sent qu'il n'y avait pas que moi qui avait plus de voix. Hein. le chanteur, il en chiait, le pauvre, à la fin. Ouais. Ouais, surtout que là, c'était dans les dernières chansons, parce qu'en fait, j'ai coupé l'enregistrement, puis ils chantaient, ils allaient faire le Jeanne et Serge, que j'ai utilisé comme générique de fin de l'after. Oh, c'est ça. Ouais, qui est super bien, quoi. Ouais. La version qui est sur SoundCloud, elle est vraiment géniale. Dommage qu'il n'y ait que celle-là, plus le collège foufoufou, parce que sinon, moi, je me ferais une playlist interminable. D'anthologie. C'est ça, d'anthologie. Du coup, est-ce que vous avez d'autres choses à dire par rapport au TGS ? Pardon, c'est le Coucou Circus. Tu fais la pub SNCF, c'est ça ? Moi, je pense qu'on pourrait parler du Coucou Circus pas de dingue pendant des heures. Pendant toute la nuit. Toute la nuit. Ce monsieur avec ce petit tambourin là, mais. il était là le vendredi, le samedi soir, il était là. Et le dimanche matin, il était là encore. Ouais. Bah, ouais. C'est vrai que nous, dimanche matin, on est arrivé, il était 9h40 dans la salle. Pépère. Il y avait nous, plus Coucou Circus. Mm. Et il me semble qu'il était déjà là avec son tambourin. Juste après. Il faisait partie du staff. Hein, il arrivait juste après nous et il était déjà déchaîné. Et lui, c'est week-end, mais je sais pas, je comprends pas. Je sais pas. Non, mais c'est ça en fait l'effet Coucou Circus. Au moins, là, ce qui est bien à Diagora, c'est que Coucou Circus, bah, ils ont leur salle à eux. Hein. C'est ça, et comme ça les emmerde juste le stand qui est juste devant la salle. Parce qu'ils doivent plus en avoir. Il me semble que c'était le même stand qui était là l'année dernière. Je sais plus. Oh, oui. C'est des trucs de jouets de on va dire, grands enfants ou un truc du genre. Virtual Boy. Ou c'est les vieux jouets des années 80. C'est un Virtual Boy. De Nintendo. Ça, je sais. Oui, c'est parce qu'il y a toujours ces stands qui sont cachés là et on sait jamais ce que c'est. Ils sont cachés en haut là-haut. On sait pas. Bah, c'est comme la. La partie relaxation. Ah oui, c'est vrai. Est-ce que du coup vous l'avez trouvé ou pas? Hein bah si, elle était cachée en haut, à côté des... Là où il y a plein de petites salles. Ouais, je sais pas si tu te rappelles, à un moment, en face de l'amphi, de l'autre côté. Ouais. T'avais donc l'espace presse qui est au fond à gauche. Et nous, on est passé directement à gauche dans les trucs japonais. Ouais. Et bon, en fait, dans la salle de droite, là où il y avait AMV France avant... Et bah, c'était ici qu'il y avait le. Ah, j'ai pas du tout regardé. J'ai vu marqué Espace Presse et j'ai pas du tout regardé. Ah, mais d'accord. Tu vois, j'y ai même pas pensé pendant le week-end de me dire oh, tiens, c'est bizarre, il y a pas le stand relax, massage et tout. Ouais, parce qu'au TGS normal, on les voyait bien. Oui, bah, c'est vrai. Bah, au TGS normal, bah, il y a plus d'espace pour, on va dire, faire un. Bah, au TGS normal, ils étaient dans le carré Culture dans le Japon. Carré Japon. Ouais, c'est ça. T'es obligé quasiment de passer devant pour aller à la sortie. Oui. Où t'avais, je crois, en plus, il y avait plusieurs endroits dans l'espace Japon où t'avais une scène, t'avais juste en face de la scène ou un peu plus loin, bah, t'avais un carré où t'avais des tatamis au milieu. Mmh. T'avais un truc de cuisine, je crois, juste à côté. Le bateau. Où t'avais quand même beaucoup de choses. Mmh. Bah, c'est vrai que là, du coup, sur le Spring Break, il y a beaucoup moins de... C'est beaucoup moins orienté culture Jap. Ouais, du coup, Japon. Oui. Mais ça manque du hamburger. C'est pour ça que ça a perdu un petit peu le côté Wanami. Ouais. Mais ça manque du hamburger. Du coup, ils se sont retrouvés dans la toute petite salle où d'habitude c'est les jeux. Oui. L'année dernière, c'était des jeux qu'il y avait. Non ouais, bah c'était Edge. Qu'il y avait je sais plus si c'était Edge. Je sais plus si c'était Edge ou quoi. Si, peut-être c'était Edge. Donc il y avait une toute petite salle. Ouais. Et bah, du coup, ouais, ils ont. Pas vraiment de visibilité les pauvres dans leur truc. Non, après, je me dis qu'en même temps, le truc de relaxation, ouais, vaut mieux que ça soit quand même mis à l'écart. C'est clair, je suis d'accord. Oui. Mais le côté culture Jap, présentation, voyage au Japon, tout ça, il n'y a pas eu de conférence non plus, je crois pas, sur le voyage au Japon. Je regarde, mais il me semble pas, il y avait un truc sur le mangaka. J'ai des names, tout ça. Ouais. Il y avait atelier rencontre mangaka Nakashima Sensei. Il y avait un truc sur le bento. Les bateaux. Donc préparation de plats à mettre dans un bento. Et comment préparer son propre tupperware. C'est aussi cuisine japonaise conférence. Mm-hmm. Initiation à la langue japonaise, oui, donc au final ça garde quand même un petit peu le côté. Ouais, donc il y en a quand même un petit peu. Mais sinon, il saurait pas quoi mettre, donc parce qu'après, je vous appelle l'American. Après, il mettrait des projections de Banana Force Cage. Naruto Shippuden. Shippuden. One Piece Shippuden, épisode 675. 666. Non, pas faux, c'était 685 et 686. Ouais, j'étais pas loin, hein, t'as vu. C'est con, parce que j'ai raté les 680 bidules le premier. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup à rattraper. Après, qu'est-ce qu'on a loupé, ouais. Après, au niveau des diffusions, je crois qu'il y avait aussi des trailers cinéma, mais là, je sais pas ce qu'ils ont passé, mais l'année dernière, ils avaient passé le pilote de Helix. Ouais. Oui, exact, oui, on avait vu le premier épisode d'Helix. Et... Avec je sci-fi, sais plus s'il ouais, y avait... l'armée de le 12 Monkey au TGS normal. Je sais si plus. Je crois. Non, tu dis quelque chose. Il me semble qu'il y a une projection pareil dans le même style. Ouais, c'est vrai que du coup, Sci-Fi, mais ils étaient pas présents, non. Justement aussi. Moi, je pense pas, mais. Ouais, non. Bah, après, il y part, avait. Via Michael Shanks, quoi. Michel Shanks. Ouais, c'est ça, c'est Michael Shanks et y avait quand même Alain, alors je sais plus si c'est Charazier ou Charazier. Si, oui. Qui est monsieur, on va dire, série française. Et voilà, il fait partie en fait de l'organisation côté acteur et projection. D'accord. Donc c'est, si tu vois qui c'est la personne qui est venue lors de la conférence organisateur et qui parlait de Moffat et de Doctor Who. Ah oui, exact, oui. Doctor Who. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. On aime tous Doctor Who. Cette histoire de Moffat. Oui. Oui, parce que du coup, durant la conférence organisateur, donc il y a Alain qui a posé la question, c'est... qui préférions-nous avoir entre Steven Moffat et David Tennant. Est-ce que du coup, parce qu'en fait la question plus en élargissant un peu plus, c'était est-ce qu'on voulait avoir de l'acteur ou avoir du producteur ou quelqu'un voilà, qui dirige, qui peut être plus à même de répondre aux questions. Parce que c'est vrai qu'il avait soulevé le fait que les acteurs, ils étaient un petit peu soumis, pas au silence, mais ils étaient pas libres de dire ce qu'ils voulaient. Exactement, ça, ils sont sous contrat, ils n'ont pas le droit. Enfin, ouais, c'est ça, ils sont soumis. Ils disent rien. Au silence. Ouais, ils ont pas le droit de divulguer d'infos ou quoi, alors que, le mec, producteur, justement, comme Nico Terro, qui est producteur, scénariste, il fait tout. Oui, lui, c'est, il peut balancer. Il le dit. Ah là, c'est exactement ça. C'est ça. Ce qui est totalement justifié. Après, d'un point de vue spectateur, on se dit tout le temps, ouais, enfin, on préfère voir la tête du personnage. De l'avatar. Oui. Bah, après, c'est ça. Ouais, du coup, il y a, on va dire, deux politiques. C'est, est-ce que tu t'intéresses plus au côté de la série en elle-même, bah, comment c'est à fait, comment ils ont à la fait, production. Ou si c'est ouais, l'acteur, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, oui, comme perso, il disait, parce qu'ils font venir David Tennant, voilà, qu'est-ce qu'on fait avec David Tennant à part lui demander de nous faire un bébé, quoi. Et il c'est a dit déjà ça, pas mot pour mal, mot. Hein. Si tu te fais bébé, c'est pas raison, quand même, parce que... Il a dit ça mot pour mot. Ouais. Il cite le monsieur. C'est vrai que c'était... Oh, creepy. Non, mais après, moi, au niveau de cette question-là, mm-hmm. est-ce que je préférais avoir des producteurs ou des acteurs? Bah, franchement, j'irais les deux. Mm-hmm. Mais c'est vrai que si on devait en choisir qu'un, bah, j'aurais dit, du mal si c'est à choisir. Ou l'autre. C'est ça, c'est exactement ça. C'est le must serait d'avoir à la fois Tennant et à la fois Moffat. Comme ça, sur une conférence, bah, si, oui. si tu poses une question un peu tendue, bah, c'est Moffat qui décide de répondre ou pas. Mm-hmm. Ouais. Et eh ben, ça, pour ça quand même. Non, en fait, bon, on aura bien rigolé. Bon, c'était pas mal. Hein. Oui, après, ouais, c'était quand même Moi, j'ai passé un bon week-end. Ouais, pareil. Bah, oui, côté, après le off, parce qu'on a fait du coup le Tommy's le samedi soir, on a bien rigolé. On a bien ricané. Ah, comment ça s'appelait déjà? Siliane. Siliane, ouais. Ouais. Où personne lui avait laissé de petits mots sur le set de table. J'étais le premier, ah. Je suis fier de moi. Avec un petit cœur. Quel dragueur, quel de l'islam quand même. Quel homme. Quel bonhomme. Ah, n'a pas vu Sunday. Ah, ça c'est pas un point noir, ça c'est un. De la dernière fois quand même, on l'avait teasé quand même. On l'avait teasé la dernière fois. On avait dit, et là quand même, quelle déception. Quelle valeur. Tu l'as en photo sur Facebook. Eh ben c'est pas pareil de voir les gens en vrai. Comme quand tu vas à la Japan Expo. La quoi? À la Japan Ta Expo. Gueule. Et quand tu vois Pichu. Non, mais si tu voulais voir Sunday, il fallait rester devant la scène pour les concours cosplay, c'est tout. Oui, c'est vrai, si j'avais vraiment voulu... Exactement. Ah, mais l'appel du comics... l'appel de Davy Mourier et du pipi caca fait que, voilà, l'homme se plie devant les nécessités de la vie, quoi. pas encore développé le don de se dédoubler pour assister à la fois aux conférences et à la fois aux animations scènes. C'est ça. Ah, c'est tout le problème du Japan Expo d'ailleurs. On peut pas être partout. Hein. Ouais, bah, en plus, ouais, dans les grosses conventions comme ça où du coup t'es obligé de choisir et des fois c'est un petit peu difficile de choisir. Si on pouvait faire la convention tout en laissant un double de nous-mêmes à Coucou Circus en permanence. Oh, oui. Je pense que à la fin ça lassera quand même, ça laisserait d'être tout le temps à Coucou Circus. Mais Coucou Circus, ça fusionne avec ton ADN, donc au bout d'un moment, je te dis pas la tranche de tes gosses. Hein. C'est des mutants quoi, c'est ils marchent sur des ballons ovales là comme dans Olivier Tom, ils chantent du Maison Ikukuru, je sais pas quoi là, Juliette je t'aime, ah putain. Ils ont des bandanas sur les yeux comme les tortues ninja. C'est ça. Et ils chantent tout le temps Pokémon. Des coiffures de Super Saiyan. Ouais. Ouais. Et ils chantent, ils chantent toujours Pokémon, Kodyoko. C'est ça, et 4 size. Et 4 size. Et bizarrement, cette année, on est resté quoi? Peut-être deux bonnes deux heures jours. En tout. Deux bons jours. Non, on est resté deux bonnes heures. Mmh. On n'a pas entendu une seule fois libérer des livrets. Non, ça m'a surpris. Par contre, on a eu droit à Je voudrais un bonhomme de neige. Ouais, c'est vrai. Quoi, et ça, c'est quand ils sont toutes petites. Ouais, et à une autre chanson que chantent Anna et Christophe à la toute fin du film. Une chanson d'amour. À la fin du film. Vers la fin. Vers la fin. Ah, ouais, c'est à la fin. Ouais, c'est pas quand justement elle arrive à sortir et qu'il y a tout le monde et qu'elle rencontre pour la première fois. Ou je sais plus exactement, mais voilà. On a eu droit à deux chansons de la Reine des Neiges, mais pas à Let It Go, Let It Go. Et là, c'était la déception. Mais j'y ai pensé hier ou avant-hier, je me suis dit, putain, mais. Il manque quelque chose. Mais attends, mais. On a eu deux chansons de la Reine des Neiges, mais. Oh. Je suis sûr, on l'a raté, je suis sûr, elle est passée, on l'a raté. Ah, mais c'est sûr. À mon avis, oui. On peut pas louper ça, c'est pas possible. Bah déjà on quand a eu tu vois quand que même trois fois quand Yoko, oui, voilà. C'est ce que j'allais dire quand tu vois que dès le dimanche matin à 9h40 ils mettaient du code Yoko, voilà c'est. On n'a pas eu quête de survivants. Bah j'aurais dû aller. J'aurais dû pour relever le niveau. Après ce qui est bien aussi dans Akuku Circus, c'est que bah c'est pas que orienté. Ah c'est tapé années 80 à un moment là. Ouais, ça c'est ce que j'allais dire, du coup ils sont vraiment éclectiques parce qu'ils vont te mettre de la série, du dessin animé, des vieux tubes, ouais, de à temps la base, en temps du quiz. C'est plutôt orienté générique de séries, dessins animés ou animés récents, mais après ouais ils ont fait plus ou moins le truc, ils sont partis dans des délires en mode musique des années 80. grand orchestre du Splendide, un truc comme ça. Il durera plusieurs fois d'ailleurs, la salsa du démon. Ouais, la salsa du démon, pour aller dans Selger, qui sont venus encore. Partenaire particulier. Fin d'après-midi, toi, début de soirée. Toi, Doshin. On est devenus des émos. Oh, oui, on est devenus des Doshin. J'ai vu ton tweet cet après-midi. Enfin, ton retweet. Ah bon Oui, sur l'émophile. Ah oui. Ah oui, on est devenu des émos depuis là, ça y est là. Le vœu de Danage. Pardon. C'est les nerfs là, c'est ça ressort de ta dental là. Non, mais on rigole. Et coucou, surtout, franchement, on rigole. Avec ça, j'y passerai la semaine. Bon, pas comme le gars avec le tambourin, mais. Parce que je sais pas ce qu'il prend, mais. Je pense qu'on peut pas en parler dans cette émission. Mais... C'est trop. Il prend un peu de bonheur. Oh, on va dire ça. Bonheur en barrette. Ah, c'est pas le même bonheur que le podcast. Hein. Ah, ça. Et pourtant. Oh, tu fais de la pub pour d'autres podcasts. Oh, comme si ça, on faisait pas assez de sous-entendus comme ça pour le podcast. Quand c'est même. Vrai. À noter qu'on n'a pas cité un truc de la Cité de la Peur, on n'a pas cité un truc de la classe américaine. Ah ouais. Monde de merde. Oh bon bah celui-là c'est fait. C'était bien, mais ouais, pas top. Je crois qu'on en a assez cité. Voilà, très bien. C'est pourri le podcast, ça y est, allez, tourne dehors maintenant. Ouais, moi j'aurais plutôt dit, je vois pas le rapport, mais bon. Oh. En plus de s'être pourri le week-end à multiples reprises, ouais, et ouais, pourri le week-end aussi le retour sur le week-end. Quoi. Oui, bah oui, mais ça de toute façon, on peut pas y échapper. Hein. CF, l'article du Gorafi. Une bande de potes fait une soirée sans citer une seule réplique de la Cité de la Peur et trouve cette expérience magnifique. Il espère recommencer ça très bientôt avec la classe américaine. Je crois que personnellement, on n'y arrivera jamais. Je crois que non. C'est pas possible. Mais j'ai toujours des chips. Oui, en plus. Voilà, donc oui. C'est un peu la tentation, tu vois. Les chips sont là, tu vois, tout le monde le sait, c'est sous-entendu, c'est prégnant, tu vois. Non. Tu fais exprès, ouais. En fait, à vous. Mais y a pas eu c'est CMD, ça, quoi. Puis de toute façon, on a toujours comme projet de faire le cosplay de groupe La Cité de la Peur. Ah, c'est vrai. Oula, oui, mais ça, c'est parti dans les oubliettes, il faut plus en parler. Des gens sont morts. Des gens sont morts depuis, tu sais. Ah, mais moi, j'en ai noté plein des cosplays, tu sais, moi, j'ai noté plein, moi. Peut-être un jour ouais, je trouverai l'idée. Ça serait bien. Moi j'aimerais bien en faire une fois un vrai cosplay parce que la fois que j'en ai fait c'était pas top. C'était bien, ouais. Mais pas top. Chut, on a dit qu'on arrêtait. chut, pas de spoil. Ouais, non, moi j'aimerais bien, mais le truc c'est qu'il faut. Le gars du tambourin. Le temps gelé, mais c'est avoir l'idée du truc et savoir comment le faire. Surtout. Puis la préparation, c'est ça, j'ai aucune idée de comment faire un cosplay. Quoi. Après, bon, y a des tutos et tout sur internet, si je me bougeais le cul, peut-être. Ah, si tu veux faire un truc qui a de la gueule, ça prend énormément de temps. Ouais. Après, sinon, tu peux faire assez simples. Regarde, le cosplay qu'on a fait au mois de novembre, c'était simple, ça. Hein. Ouais, et il t'en manquait quand même une partie. T'avais pas le peignoir, oui, pas les ça me revient à l'esprit. Les pantoufles aussi. Je crois qu'il faut des pantoufles, non? Il me semble aussi qu'il est en pantoufles. Ouais, t'en manquais quand même deux tiers du cosplay avec la serviette. J'avais le principal, j'avais la serviette. C'est vrai. Et ça. Oh non, ils ont des serviettes. Ou sinon, tu viens avec un truc de cuistot et du poivre de moulin, du sel et du poivre de moulin. Et hop, tu te fais un petit jeu à la robuchon. Hop, ni vu ni connu, hein. Et c'est du cosplay. Ouais, c'est du cosplay, ça, monsieur. Bon, pas du cosplay de luxe, hein. Faut pas non, s'imaginer. Bah, faire du vrai cosplay, quoi. Faire du cosplay jeu vidéo, ça. Ça serait sympa. La Banana for Scale. Ouais, franchement, lui, il était fort. Quand je l'ai croisé, je l'ai vu avec une pancarte. Sur le coup, j'ai bugué, tu vois, j'ai vu la pancarte, je vois, c'est un Freehugs, et puis je vois marqué Banana. Je vois marqué for Scale, je vois le mec déguisé en banana, je fais, mon dieu. Mais il a trop, vraiment trop traîné sur Naniac. Moi, j'y traîne trop, mais lui, c'est un gros sujet. C'est bien, c'est beau. Bah, il a tellement entraîné qu'il a eu l'idée de faire le cosplay du Banana Force. Quel homme. Quel homme. Et la boucle étant bouclée, il a atterri sur Nanyag. Voilà. C'est ce qu'on disait avant l'émission. C'est prodigieux à ce niveau-là. À ce niveau-là, il faut tout arrêter, les enfants. Du coup, est-ce que vous avez d'autres choses à redire sur le TGS? Bah, on n'a pas vu sonner. Oui, mais à part ça. Là, on a un peu divagué. Oui. Et pour une fois qu'on est trop long. Mais ouais, non. Bon, on n'est jamais trop long. Voilà, c'est ce que je disais au début de l'émission. Oh, encore. On a plus ou moins fait le tour. D'ailleurs, on se reverra dans ce coup, avec la blague. Non, je déconne, faudra trouver d'autres personnes pour parler, parce qu'au bout d'un moment, toujours les mêmes. Toujours le régional de l'étape. Oh, la cité, nom de Dieu. Oh, pardon. Nom de Zeus. Non, mais au moins, comme ça, on apprend à parler plus et tout, tu vois. Oui, bah, c'est vrai que là, c'est déjà... Je trouve que c'est déjà mieux que le premier live. Et pourtant, je suis moins bourré. On a fait moins de blanc. Ouais. La gestion du blanc est mieux maîtrisée. Ouais. Du blanc, du truc que tu mets pour quand tu fais des ratures. Non, quand plus personne ne parle. Ah d'accord. Je n'avais pas compris. Bon, du coup, on va arriver sur la dernière partie du podcast. Ouais. Donc, est-ce que vous avez des intentions de sortie bientôt ou pas du tout ? En fait, ma phrase, elle veut absolument rien dire. Mais c'est pas là, on a compris. Est-ce que des intentions ? Oui. Est-ce que vous voulez sortir, faire des sorties bientôt ? Cherchez le pain ? Cherchez le pain demain matin, ouais. Non, je sais pas. Mais moi, ça a été. Moi, oui. Ah. J'ai éveillé ta curiosité. Je sais tout. Je sens que j'ai éveillé. Oui. Alors, à la fin du mois, normalement, peut-être, si l'alignement planétaire est correct. Dimanche prochain. Je crois que c'est le 28 ou 28-29. Que je vais voir à Toulouse Baptiste Le Caplin. Ah, je savais pas ça qui passait. Et ouais, il est de retour à la Comédie de Toulouse pour deux soirs. Bon, c'est un peu chiant parce que c'est le mardi, mercredi, c'est en semaine. Ouais. Mais ouais, il m'a proposé d'y aller. Donc, Moi je savais pas, dis donc. Je vais peut-être y aller. Et après, je crois que j'ai aussi entendu parler d'un week-end jeu de société sur Albi ou sur Toulouse, je sais plus. Les deux. Ouais, donc c'était ça, donc il y avait les deux. Les deux. Alors sur Toulouse, putain merde, j'ai pas cherché la date, c'est au mois de mai, je sais pas quand. Faudra demander à notre hébergeur local. Il se reconnaîtra. Qui salue, si il nous écoute un jour. Ouais, il écoute à elle. Si, il écoute tout ce qui est sur YouTube. Oh. Ouais, pas triste comme vie quand même. La prochaine fois, on lui fait un live sur YouTube, bah, bim. Avec une belle webcam, 720p, les enfants. On peut se faire un bon... On se fera de l'apéro original. Ouais, mais faut faire ça. Il y a toujours l'apéro original à faire. Ouais, mais le problème, c'est ça devient de plus en plus intéressant. Mais on s'arrête avant qu'on soit vraiment cuit, c'est ça le problème. Ah, il faut déjà faire le brunch original, en fait. Pour commencer, en fait. Bon, mettre une espèce de mise en bouche, comme dirait l'autre. N'est-ce pas? Non. Allez, continue de meubler. Voilà, alors, le 8, 9 et 10 mai, le festival Alchimie du jeu de Toulouse. Mais oui, nom de Dieu! Pardon, c'est des nerfs. Donc ouais, peut-être que moi, en tout cas, je ferai un petit tour, peut-être avec vous, du coup. Oui, moi, je pense que je vais faire un grand tour pendant tout le week-end, probablement. Oui, c'était surtout ça que je voulais dire. Oui, c'est vrai, j'avais oublié, nom de Dieu. C'est ça. Et sur Albi, donc. J'y suis. Vas-y, on te laisse faire. Le. Alors, les 19, 20 et 21 juin, il y aura le Glouze Festival, le festival du jeu d'Albi. Et si vous ne savez pas ce que c'est que la Glouze, je vous invite à venir. Ouais. Est-ce qu'on peut dire qu'on a la grosse Glouze quand on ne sait pas ce que c'est ? Non. Ça n'a aucun sens. Oh. Attends, mais j'essaye de faire des jeux de mots comme je vais dire mes maîtres à penser que sont Matt et Randall, mais je suis clairement pas au niveau. Hein. Ouh, quel homme. Non, bah ouais, bah après, ouais, il y a. C'est vrai que bah, les petits festivals comme ça, bah, les festivals d'animation ou de jeux de société, jeux de plateau, ça me tente bien quand même. Ouais. Pour essayer. Ouais, bah ça change du reste, et puis bah les jeux, le jeu de plateau, jeu de table, c'est un truc auquel j'ai goûté grâce à la famille, et... c'est un petit peu votre faute, en fait. Notre faute. Qu'est-ce qu'il dit-tu? Bah disons que moi j'y ai goûté grâce à la famille, et puis... La famille. Du coup, bah je vous ai amené avec moi, et maintenant... Mais à cause de qui on aime les bières, hein? À cause de qui on aime les bières, maintenant, hein? Ça, c'est à cause de Dudes et de Beer. Peut-être. Allez, encore la pub. Non, c'est bon, attends, on a parlé de jeux de société, on a même pas dit proxy jeux quand même. C'est vrai. On a été propre. Enfin, jusqu'à que tu le cites. Ah là, j'ai mis les liens sur le mobile pour les deux festivals. Je prendrai. Je les rajouterai au billet. Mmh. Mais ouais, ça... en tout cas, les deux, ça me botte bien en tout cas. Bah suite d'Albi, il y a moyen de finir en beauté, hein, vu que c'est le week-end du 21. Tu fais 19, 20, 21 et tu finis par la fête de la musique. Et Jacques Lang. Nickel. C'est vrai. Ouais. Et Jacques Lang. Pardon. C'est fête de la musique qui te fait. C'est ça, c'est Jacques Lang. Et dès qu'il est mort, on l'appelle parce qu'il connaissait tout le monde. Jacques Lang. Et voilà pour ma part. Et toi, du coup, Gandalf ? J'ai pas grand chose de prévu pour l'instant. C'est vrai que c'est ce qui m'a fait déprimer le dimanche soir. Enfin, je me suis dit, putain, faut encore attendre 6 mois. Donc, je pense qu'on se reverra de toute façon pour Japintard. Espérons. Bah oui, puis tu dois pas faire un concert bientôt ? Je vais voir. Si, je vais voir un concert la semaine prochaine, Marcus Miller, à Toulouse. Ah bah tu vois. Ah bah voilà, tu vois. Ouais, mais les concerts, ça se rencontre pas, ça s'écoute. Oui, oui, mais c'est quand même une sortie. C'est une sortie, c'est vrai. C'est une très belle sortie d'ailleurs. Et pas, ça coûte pas 80 balles, mais comme certains, je dirais que c'est non. Pour pas pourrir les gens qui font tourner ce genre d'artistes, hein, qui sont coutumiers du fait. Hein. Si vous allez voir David Gilmour à Orange, c'est 120 euros, hein. N'est-ce pas ? On dirait l'autre. Mais non, j'ai hâte d'être ça la semaine prochaine, ça va être pas mal. Après, en termes de jeu, de convention, c'est pas Byzance, quoi, c'est un peu triste. C'est vrai, en plus, on va arriver dans la période où il y a plein de petits festivals ou de conventions qui vont se faire à droite à gauche. Ouais, ça sera plus au cas par cas après que. Ouais. Oh. Oui, tout ce qui va être régional dans un premier temps, je pense. Le régional de l'étape. Il est là. Ouais, bah après, ouais, ce sera la prochaine geek, ça sera probablement ouais, le Japintard. Ouais. T'étais pas là, Gandalf, quand on a eu. Bah, c'est quand on est parti dimanche au soir, là, enfin le dimanche. Il y avait tout sur la voiture. Et ouais, c'est ça. Et ils étaient en train de les mettre sur les voitures, ils étaient en train de les mettre sur la voiture à côté de moi. Je fais putain, encore en prospectus sur la voiture et tout. Je regarde le port dessus, je fais mais c'est Japintard. Et t'as les deux femmes qui étaient en train de mettre sur les trucs sur les voitures d'à côté qui se retournent en souriant. Je fais ah bah c'est bon, on leur en veut pas. Elle me fait un grand sourire, merci. Je secoue le papier, je fais on sera là. Les vrais sont là. C'est ça. Ah, ça après, c'est Amazon, mais donc c'est pas pareil. Je trouve, de toute façon, on va revenir dessus, mais c'est pour moi, c'était quand même une bonne petite convention. On avait ri, mais du coup, plus petite que pour le Spring Break, mais ça reste quand même. Ah oui, là, c'est vraiment. C'est totalement acceptable. On avait. Bah ouais. Qu'est-ce qu'on avait ri ? Qu'est-ce qu'on s'était marré, quoi. C'était énorme. Oh, c'était bien marré. C'était énorme. Sûr qu'on était arrivé le matin, on avait dit bon, on a fait le tour. Oui. Il est quelle heure ? Bon, ben il est 10h35, on arrive à 10h30. Bon, et. Au final, on est parti à 18h30. Ça, on est resté, on a fait la fermeture. Hein. La fermeture, ouais. Ah, on a rigolé. On était resté aussi en haut dans les trucs de conférence. Avec nos amis de Coucou. Non, c'était pas Coucou Circus, non, c'était une association, je sais plus. Ah, mais les gens qui sont arrivés jusqu'à la fin, c'était des gens de Ah, maintenant que tu le dis. Ils étaient tous. C'est vrai. Quasiment tous. Tu vois ouais, maintenant tu ah dis, si, oui, si si si si moi je les ai reconnus c'est là, mais du coup je les ai reconnus là en fait là où je fais oh putain mais c'était les gens qui avaient à Japintard tu vois maintenant tu le dis bah ouais je fais le rapprochement et ouais c'est ces gens là sont partout c'est comme les envahisseurs mais avec des musiques des années 80 ça fait peur hein donc du coup je pense qu'on a bien fait le tour on a bien parler un petit peu du TGS, un petit peu divaguer aussi. Ouf, un peu. Bah, du coup, merci. On va arrêter là, sinon on n'y est pas pour la nuit. Oui. Je vous remercie une nouvelle fois d'être venu. Mm-hmm. Oh, toujours. Et puis, merci une nouvelle fois. C'est que du bonheur. Ouais, c'est que du bonheur. Et puis, du coup, on va enchaîner avec. Du coup, j'ai le jingle qui sont juste à côté. J'ai plus qu'à cliquer pour lancer le jingle de fin, le générique. Et puis, on se retrouve la prochaine fois. Au revoir. Salut. Au revoir. Ciao, ciao, ciao. Jésus. Il n'y a pas le...